arrive au dernier morceau du projet. J'espère que ça vous a plu. Et je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui ont écouté le projet. Toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début. C'est grâce à vous que j'ai fait ce projet. Toi, qui écoutes ce son, ça veut dire que t'as écouté le projet en entier, donc je te remercie. Parce qu'en vrai de vrai, la force, c'est vous qui l'a donnée. Et sans votre force, on serait jamais là. C'est grâce à votre force qu'on s'est demandé avec l'équipe. Et si on le faisait? Donc je tenais vraiment à tous vous remercier. Et j'espère que c'est le début d'une longue histoire. On est en plein sang.